Puis là, quand c'est la crise, puis là que ça va mal, bien ça, ce n'est pas la réalité non plus. Mais là, ça nous aide à comme rééquilibrer les choses, pour avoir une vision juste de l'Église locale. Et souvent, quand je vais prêcher ailleurs comme ça, j'arrive et je dis aux gens, je connais pas, je vous connais pas, je connais pas votre contexte. Donc, si ce que je dis, ça touche la cible, bien, je suis innocent, c'est pas de ma faute. Mais là, je connais un petit peu votre contexte, donc je suis pas innocent et je vous vise tous. OK? Je ne peux pas dire que je vise personne, là. Je vous vise tous, puis je me vise moi-même. Je me vise moi-même, je veux qu'on réfléchisse ensemble à l'Église locale. Et donc, je crois comprendre que pour la plupart, vous êtes ici depuis assez longtemps pour que la lune de miel soit terminée. Hein? Donc là, on peut se dire les vraies affaires, fait que ça nous libère. Hein? C'est bon, là. La lune de miel est terminée. Vous avez été témoin d'assez d'accrochages pour que la lune de miel soit terminée. Vous avez été assez blessé au cours des années, puis assez déçu des êtres humains pour qu'on sait de quoi on parle, là. Et je sais que certains d'entre vous autres, vous avez eu une grosse semaine, là, cette semaine. Je suis conscient de ça. Et chaque situation est différente. Puis ça pourrait être un petit peu prétentieux de ma part de dire « Hey, je comprends ce que vous vivez ». Je vais le dire quand même, OK? C'est pas prétentieux, c'est parce que moi, ma lune de miel, là, je me rappelle même pas en avoir eu. J'ai été déçu tout de suite par mon Église. Puis on a eu toutes sortes de crises, puis de problèmes abracadabrants au fil des années. Ça a brassé pas mal. Et puis donc, le genre de nœud dans l'estomac que certains vous avez ces jours-ci, ben je suis très familier avec. Fait que je peux dire que je comprends ce que vous vivez, là. Mais je suis capable de dire aussi, de regarder en arrière, puis de dire, le Seigneur a toujours été là, à travers la tempête, là. Je suis capable de regarder en arrière, puis de dire, le Seigneur Jésus, c'est encore vrai ce qu'il a dit, « Je bâtirai mon Église ». Donc ça n'a pas changé. C'est en cours de route, là. On est encore en construction, donc ça, je suis capable de dire ça aussi. Donc, je ne sais pas comment vous voyez l'Église locale. Je ne sais pas à travers quelles lunettes vous regardez ça. Je ne sais pas si on est tous sur la même longueur d'onde quand on pense à l'Église locale ou qu'on parle de l'Église locale. Je ne sais pas si notre évaluation de l'Église locale est la même que celle que Jésus en fait. Puis des fois, je me demande si on n'est pas un petit peu égocentrique dans notre façon de regarder l'Église. On évalue l'Église à partir de nos goûts, de ce que nous autres on pense et tout ça, là. Trop centré sur nous-mêmes ou trop centré sur les êtres humains. On regarde à l'horizontale des fois, puis des fois, il faudrait regarder par en haut, ou des fois, il faudrait comme sortir un petit peu puis avoir une vue un petit peu plus neutre parce qu'on est comme pogné là-dedans, cette affaire-là, puis des fois, on a de la misère à avoir un petit peu de recul puis à voir ce que Dieu est en train de faire. Donc quand on est dedans puis que ça brasse, là, c'est difficile pour nous d'avoir un regard objectif. Donc, je vous lance ce défi-là ce matin, qu'on réfléchisse ensemble à l'Église locale, mais en étant essayé de voir comme si c'était un objet qu'on regarde. On sort, puis là, on regarde ça de l'extérieur. Des fois, on a besoin de faire ça. Des fois, quand je parle avec des couples, je leur dis « Hey, regardez ça de l'extérieur un petit peu. Faites comme si votre couple, c'était un objet, puis là, on va regarder ça de différents angles. Hein? » Donc, je vous invite à faire ça ce matin quand on va réfléchir à l'Église locale. Parce qu'il y a des gens, peu importe ce qu'on vit, qui vont dire « Tout va bien. » Bien, ils ont rarement raison, à 100% en tout cas. Puis, les gens qui disent « Tout va mal », bien, c'est jamais vrai non plus. Okay? Donc, on va essayer d'avoir un regard équilibré sur la chose. Donc, chère brebis du Seigneur Jésus, le bon berger est là. Il n'est pas parti. Puis, j'étais en Inde au début de la semaine à travers la magie de Zoom, là, et puis j'ai prêché sur le psaume 23. Quel beau psaume, hein? Je prêchais à des pasteurs. J'espère que je les ai encouragés. En tout cas, moi, je me suis encouragé. Les Écritures m'ont encouragé. Quel beau psaume, la présence du berger, puis tout ça, on en parlait un petit peu tantôt. Mais le berger, il aime encore son Église et le Seigneur n'a pas terminé s'il a commencé. Et il va le terminer. Le Saint-Esprit est encore là. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens 5. Et là, je vais peut-être vous surprendre un petit peu ce matin avec le texte que j'ai choisi. Vous allez comprendre, ce ne sera pas bien long. Donc, Éphésiens 5. Là, quand vous pensez à Éphésiens 5, vous pensez au couple, pensez à l'homme, à la femme. C'est en plein là qu'on va tourner. C'est en plein là qu'on va tourner. Parce que le modèle que le Saint-Esprit a inspiré à Paul pour les relations hommes-femmes, c'est la relation Jésus-Église. Fait qu'on va regarder le modèle. Puis ça va nous inspirer. Puis une autre fois, je reviendrai, puis on appliquera ça aux hommes et aux femmes. Okay? Donc, Éphésiens 5, à partir du verset 22. Alors, encore, je répète, là, on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce que ça dit sur la relation entre Christ et l'Église. Donc, je vous invite à faire attention à ça. Donc, c'est la parole de Dieu qu'on lit. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Prions ensemble. Alors, Papa du ciel, on est dépassé par ce beau texte-là, par les responsabilités qu'il nous donne, mais surtout par l'amour que Jésus a manifesté et manifeste encore pour son Église. Et on est touché parce qu'on en fait partie de cette Église-là, puis cet amour-là pour l'Église, c'est de l'amour pour nous. Alors, ma prière ce matin, c'est que tu parles à mon cœur, que tu parles au cœur de mes frères, de mes sœurs qui sont ici, de ceux qui regardent à la maison, de ceux qui vont regarder à la maison, et qu'on soit épaté, en admiration, en adoration devant l'amour de Jésus pour son Église. Et qu'on soit honoré de faire partie de cette belle Église-là. Et c'est en son nom que je te prie, Père. Amen. Amen. Donc, le modèle pour les couples, c'est la relation entre Christ et son Église. Donc, on va regarder ça ce matin. J'aimerais regarder trois aspects de l'identité de l'Église et les conséquences que ça a pour nous dans nos vies à chaque jour. Et comme c'est une prédication, pour moi, la prédication, c'est pas juste de l'information, c'est quelque chose qui doit changer nos vies. Donc, ma prière, c'est que ça change nos vies ce matin, le temps qu'on va prendre ensemble dans ce beau texte-là. Donc, qu'est-ce que l'Église pour Christ? Premièrement, l'Église, c'est le corps de Christ. Donc, on voit ça dans les versets 22 à 24, entre autres. Donc, on se permet de relire ça. Okay? « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, le chef, la tête, c'est le même mot en grec, c'est vraiment intéressant. Donc, Christ est le chef de l'Église, Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, la vitalité du corps humain, la santé du corps humain dépend de la relation du corps avec la tête. Hein? C'est très simple, on comprend bien ça. Pas de tête, pas de vie, pas de corps, pas de santé. Là. Donc, la relation de chaque partie du corps avec la tête, c'est ça qui va faire sa vitalité. Et donc, la tête, c'est la tête qui dirige le corps. Vous êtes venu ici, votre corps est ici ce matin parce que votre tête a décidé de venir ici. Et votre corps s'est mis au service de la tête et a fait ce qu'il avait à faire pour être ici ce matin. C'est vrai? Donc, l'Église, c'est le corps de Christ. Christ, c'est la tête. C'est une belle dynamique, là. Christ, le chef. Christ, la tête. L'Église, le corps. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Donc, l'Église existe comme le corps existe pour servir la tête. L'Église existe pour servir Christ. Pas pour se servir. Pas pour servir les membres de l'Église. C'est pour servir Christ. Pour mettre Christ en valeur, pas pour nous mettre en valeur. Pour glorifier Christ, pour révéler Christ au monde, pas pour nous faire connaître nous-mêmes, mais c'est pour faire connaître notre Sauveur. Quand je me suis converti tout de suite après mes études en chiropratique, puis que j'ai lu Éphésiens, j'ai dit, boy, la Bible parle de la chiropratique. C'est fantastique. C'est fantastique parce que le principe fondamental de la chiropratique, c'est que le corps est en relation avec le cerveau par le système nerveux. Puis s'il y a une vertèbre qui est déplacée un petit peu, ça crée un court-circuit. On appelle ça une subluxation vertébrale. Ça crée un court-circuit entre le cerveau puis une partie du corps quelconque. Et puis là, cette partie du corps-là ne peut pas bien fonctionner. Boy! Christ, c'est la tête. Le péché, ça court-circuite notre relation avec lui, puis ça fait qu'on n'est pas en bonne relation avec lui, donc on n'est pas en santé, on est en train de mourir. C'est fantastique. Donc moi, je voyais la chiropratique dans tout ce livre-là. Je trouvais ça intéressant. Et là, je pourrais vous parler pendant des heures, puis vous prêcher Éphésiens 4, mais on ne fera pas ça ce matin. Okay? Christ est la tête de l'Église. Et donc, cette organisation-là, c'est nouveau, dans un sens, à partir de la Pentecôte. Mais il y a quelque chose qui est fondamentalement vieux dans ça. C'est que c'est Dieu le boss. C'est Dieu le boss. Donc, quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'était Dieu le boss. Il les avait créés, il avait le droit de leur demander tout ce qu'il voulait. Hein? C'était juste. C'était correct qu'il demande tout ce qu'il veut. Il n'y avait rien de méchant là-dedans. Quand Dieu a choisi d'avoir une relation spéciale avec Abraham, puis avec sa famille, ses descendants, c'est qui le boss? C'est Dieu. Hein? Encore. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est lui qui était le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui avait initié cette démarche-là. La relation. Est-ce que c'était une bonne chose pour Abraham de faire confiance à Dieu? Bien sûr. Ben oui. Quand Dieu a choisi de diriger son peuple, les descendants d'Abraham à travers Moïse, c'est qui le boss? C'est pas Moïse. C'était Dieu. Encore. Parce que c'était lui le Dieu de l'univers. C'est lui c'est lui l'Éternel, Yahvé, le Dieu de l'Alliance qui avait initié cette relation-là. C'est lui le chef, la tête. Au temps des rois, c'est qui le boss? C'est Dieu encore. Quand Dieu a humilié son peuple à cause de sa désobéissance, c'est encore lui le boss. C'est toujours lui le boss. Donc Là, Jésus est venu mourir sur la croix, il est ressuscité, on va célébrer ça à Pâques. C'est toujours Pâques pour nous autres, hein, chaque jour, vraiment. Il n'y a pas de grosses excitations à Pâques parce qu'on est toujours excité tous les jours de l'année. Mais... Et là, l'Église a commencé sous l'action du Saint-Esprit après la résurrection. Et c'est qui le boss? C'est encore Dieu, Jésus-Christ, la tête. Il y avait les apôtres, oui, il y avait les apôtres, mais ce n'était pas eux autres. Le boss, c'était Jésus. Il y a eu des diacres, oui, mais c'est Jésus le boss. C'est Jésus la tête. Hein? Donc, dans toute l'histoire, peu importe la structure qui dans laquelle les croyants vivent leur relation avec Dieu, c'est Dieu le boss. Hein? On comprend ça. Et donc, on vit maintenant un temps vraiment spécial des enfants de Dieu parce qu'on fait partie de l'Église. Donc, on est connecté directement avec la tête, sans intermédiaire. C'est fantastique. Le gros orteil est relié directement avec le cerveau, avec une cellule. C'est des longues cellules qui forment un nerf, là, mais c'est très bien, directement. On est connecté directement avec le Seigneur Jésus. Donc, tous ceux qui ont cru dans le sacrifice de la croix, qui se sont repentis de leurs péchés, ont reçu son esprit et ont une relation spéciale avec le Seigneur Jésus, le délivreur, le libérateur. Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage de l'Égypte et Jésus a sauvé son peuple de l'esclavage du péché. Et la conséquence, c'est la suivante. Si Christ, c'est la tête de l'Église, la conséquence, c'est qu'on devrait vivre toute une unité là, extraordinaire. Si on est tous reliés directement à la tête, on devrait avoir de la coordination, ça devrait aller marcher comme sur des roulettes. Hein, ça devrait être super beau, en tout cas dans la théorie, là, on se comprend. Une soumission incroyable à la volonté de notre tête. Une coopération avec la tête. Une recherche de la direction de Christ. Une recherche naturelle et automatique de ce qu'il veut. C'est une belle image. C'est une belle image. C'est cette image-là que le Saint-Esprit a inspiré à Paul pour dire, les épouses, inspirez-vous de ça, de cette belle image-là, dans votre relation avec votre mari. Une belle coopération, une belle unité. L'Église, c'est le corps de Christ, et boy que c'est beau dans la théorie, hein? Mais c'est donc bien dur dans la pratique. C'est donc bien dur dans la pratique. Et moi, des fois, là, j'étais convaincu que mon Église avait perdu la tête. C'était clair. Mais c'était juste une impression, hein? Parce que Christ est toujours là. Christ est toujours là. Christ est toujours resté le chef de son Église, le chef de notre Église, le chef de votre Église. Ça, il n'y a rien qui peut changer ça. Donc, qu'est-ce que ça doit changer? Bien, ça change notre regard sur l'Église, ça change notre regard sur les autres, puis on va vivre. Là, moi, une des choses qui m'attire le plus à propos du ciel, c'est qu'on va voir le Seigneur Jésus face à face, mais c'est que je vais être délivré de la présence du péché, de l'influence du péché, des conséquences du péché, les miens et ceux des autres. Wow, ça là! Ça, c'est des affaires pour rester réveillé la nuit quand tu penses à ça. Là. Hein? Mais là, on n'est pas là encore au ciel. Là, puis c'est dur maintenant, là, la vie. Là. Hein, la vie de couple, là, c'est extraordinaire. Là, c'est beau dans la théorie, dans la pratique. Là. Oh, c'est pas toujours facile. Là. Pour ma femme, c'est pas toujours facile pour elle. Comprenez ce que je suis en train de dire. Là. Donc, que Dieu nous donne la grâce, là, hein? De goûter de goûter de plus en plus dans la pratique à cette théorie-là, là, à cette relation-là de corps avec la tête, puis de coordination les uns avec les autres, là, parce qu'on travaille ensemble. On est unis par la tête. Là. Et donc, qu'on soit en train de faire des efforts dans les limites qu'on a, dans la grâce de Christ, pour vivre ensemble, puis faire partie de cette belle patente-là que Dieu a inventée, qui s'appelle l'Église. On continue. Vous êtes avec moi jusqu'à maintenant? Donc, deuxième réponse à la question, qu'est-ce que l'Église pour Christ? Bien, l'Église, c'est celle qu'il aime. Celle pour qui il s'est livré, il s'est donné à la croix. Au verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors moi, je dis souvent que les maris ont une plus grande responsabilité que les femmes. Là. Je suis peut-être biaisé là-dedans, mais on s'en parlera une autre fois. Mais. Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Christ a aimé l'Église. Dans quelle mesure il a aimé à mort? Hein? Il s'est livré lui-même pour elle. Il a aimé au point de souffrir pour elle, de mourir pour elle. C'est quoi son but? C'est écrit, la sanctifier. Comment? En la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. J'espère que vous vous lavez au moins une fois par semaine, sale pas sale. Hein? En la lavant par l'eau de la parole. Pourquoi? Ben on revient encore au but. Pour la faire paraître devant lui, glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Hey, moi, j'ai hâte à ce jour-là. Hein? Où est-ce que ça va être finalement, on va être arrivé là? Le Seigneur Jésus va avoir terminé ce qu'il a commencé dans les personnes, puis dans le regroupement de personnes qui croient en lui. Alors, qu'est-ce que ça change que l'Église soit belle et sans tache? Qui reçoit l'honneur de ça? C'est le Seigneur Jésus. La tête. La tête. C'est son Église. Je vous lis un passage que vous connaissez. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Hein, c'est Paul qui parle aux Éphésiens dans Actes 20, verset 28. L'Église du Seigneur, qu'il a payé lui-même. Il l'a acheté, là, il l'a libéré. C'est lui qui a payé. Il peut faire ce qu'il veut avec. Là. Il peut lui demander ce qu'il veut. Il a le droit, c'est lui le chef, la tête. Et là, qu'on parle de l'Église universelle, qui comprend tous les croyants de tous les lieux, de tous les temps, ou qu'on parle de l'Église locale, c'est Christ, la tête, c'est Christ qui est en amour avec. C'est Christ qui est glorifié à travers elle. Et Paul dirait, permettez-moi un peu de folie. Écoutez ça, toutes les églises de Christ vous saluent, Romains 16, 16. Les églises de Christ, y appartiennent. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, ça va toujours ensemble, hein, l'appartenance à Dieu puis la sainteté, c'est toujours ça son idée. Là. Donc 1 Corinthiens 1, versets 1 et 2. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Corinthiens 10, 32. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. 1 Corinthiens 11, 16. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ou méprisez-vous l'église de Dieu? 1 Corinthiens 11, 22. Paul écrit, « Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » 1 Corinthiens 15, verset 9. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. 2 Corinthiens 1, 1. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Galates 1, 13. Et là, on pourrait continuer, je suis juste à la moitié de ma liste. Excusez les répétitions, je veux juste être clair. L'Église appartient à Dieu. Elle appartient à Christ. C'est lui qui a payé. Et ça, c'est extraordinaire, là. C'est extraordinaire. Ça devrait nous amener un grand réconfort. Un grand réconfort. Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Est-ce que c'est vrai pour l'Église baptiste évangélique de Victoriaville? Absolument. Amen, amen. Hein? Amen. Donc, à part Adam et Ève, là, qui ont été aimés par Dieu alors qu'ils étaient parfaits, là, il n'y a personne d'autre qui a été aimé par Dieu alors qu'ils étaient parfaits. Donc, quand Dieu s'est choisi un peuple, là, les descendants d'Abraham, Dieu savait dans quoi qu'ils s'embarquaient. Il savait qu'il n'y avait personne de parfait dans la gang. Il s'est choisi un peuple imparfait. Il l'a aimé, il a voulu en faire un peuple à part. Et malgré sa fidélité en montagne russe, la fidélité du peuple de Dieu en montagne russe, Dieu, lui, sa fidélité au beau fixe. Hein? Il est resté fidèle. Il l'a aimé. Dieu a accompli son plan envers son peuple, qui n'est pas encore terminé, à mon avis. On pourra s'en parler. Et quand Christ a aimé l'Église, il savait dans quoi il s'embarquait. Il savait que sa fiancée n'était pas pure. Il savait que lui, il aurait de l'ouvrage à faire pas mal. Qu'elle n'était pas propre. Qu'il allait devoir la purifier, la laver. C'est ça qu'on a vu dans le texte. Il savait que sa bien-aimée n'était pas libre et qu'il devrait la libérer. Et c'est pour ça qu'il a versé son sang en rançon pour elle. Il savait que c'était un projet à long terme. Moi, j'ai dit à ma femme, quand je vais avoir 40 ans, là, ça fait déjà quelques années de ça maintenant, j'ai dit à ma femme, quand je vais avoir 40 ans, là, moi, je ne m'achèterai pas une moto, comme les autres gars. Je vais m'acheter un canot. Hein? Ça va être moins cher, puis ça va être moins dangereux, puis ça va faire moins de bruit, ça va être plus... Et là, je voulais pas mettre trop d'argent pour un jouet. Moi, je suis comme ça. Et là, j'ai vu une annonce pour un canot à 100 piastres. On est allé voir ça, moi et ma femme, puis quand on est arrivé là, le canot avait passé plusieurs années à l'envers dans le gazon. Et là, quand le gars il a reviré ça, c'était comme, wow, c'est un déchet, là. Et là j'ai dit au gars, parce que là, c'est un canot en cèdre recouvert de fibres de verre et tous les plats-bords, là, les côtés, c'est tout pourri, là, puis là, j'ai dit au gars, j'ai dit, écoute, ça dépasse les compétences et le temps que j'ai. Ah, oh, il dit, c'est pas dur, là, il dit tu fais juste visser des morceaux de bois tout le tour, puis, alors j'ai dit, non, sérieux, là, je peux pas, tu sais, fait que, là, il dit, écoute, il dit, je te le vends 75$. Là, j'ai dit, non, je peux pas, là, fait que, là, je regarde ma femme, puis là, ma femme, elle a les yeux qui virent en envers. Puis elle, pour elle, c'est incroyable, dans son non-verbal, c'est incroyable qu'on soit encore là, tu sais. Et là, le gars, il dit, écoute, moi, je déménage, je te le vends 50$. Il dit, c'est un canon en cèdre, tu l'amènes chez vous. Si tu ne fais rien dessus, tu le revends 100 piastres. Moi, il faut que je m'en débarrasse. C'est faux qu'il perde. Là, je regarde ma femme, puis là, elle était sur le bord de perdre connaissance, c'est sûr. Et là, j'ai dit, OK, je le prends. Et là, je pense que ma femme s'en allait lentement comme ça, l'auto, là, tu sais, mais, sérieusement, là, et ça ne tenait pas ensemble, là, les deux, l'intérieur et l'extérieur. J'étais même pas sûr, j'étais à peu près une heure de chez nous, j'étais même pas sûr de me rendre avec, là. Et là, quand je suis arrivé dans le cours, mes filles étaient arrivées de l'école, puis attendaient pour rentrer, ils avaient oublié leur clé, puis mes filles m'ont regardé avec le même regard que ma femme, tu sais. Et là, savez-vous pourquoi? C'est parce que ma femme, elle voyait le déchet. Moi, je voyais le potentiel, je voyais qu'est-ce qui pourrait être fait avec. Et effectivement, j'ai fait réparer les plats-bords et ça a été un super beau canot. Oui. Le Seigneur Jésus, là, quand il nous a achetés, c'était comme ça, on était des déchets. Mais lui, il voyait plus loin. Il est en train de faire de quoi de beau avec l'Église locale, là, puis... Tu sais, nous autres, on regarde ça, puis des fois, tu sais, les yeux nous virent à l'envers, tu sais, mais... Non, mais le Seigneur Jésus est en train de faire quelque chose de beau. Il s'en va quelque part avec ça. Et donc, quand Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, il n'était pas en train de parler à des gens qui étaient parfaits, là. Il savait très bien ce qu'il était en train de dire. Mais il s'attendait à ce que par la grâce de Dieu, ceux qui étaient en relation avec lui ou qui allaient l'être, puissent glorifier Dieu. Et moi, je regarde mon cœur, là, puis je ne suis pas toujours très, très brillant. Je ne mérite pas d'être appelé lumière du monde. Mais c'est quand même ce que Jésus dit que je suis. Et Jésus dit que l'Église, c'est sa bien-aimée, puis qu'elle lui appartient. On va le croire, par la foi, c'est ça qu'on est. Quand Pierre a écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Quand Pierre a écrit ça, il ne s'adressait pas à des gens parfaits. Il n'était pas en train d'encourager ses lecteurs non plus à vivre par leur propre force, là, hein? Comme la religion l'enseigne. Mais à cause de votre relation avec Christ, c'est ça qu'il voulait dire, à cause de votre nouvelle identité, à cause qu'on appartient à Dieu, ben, faisons-le paraître comme on peut, avec son aide. On a une responsabilité, une raison d'être, un devoir d'être différent et de glorifier Dieu. Alors, chaque croyant vit une double réalité. On est parfaitement pur et parfait aux yeux de Dieu. Et en même temps, on est tout croche à cause du péché. On est tout croche, puis Dieu est en train de nous redresser tranquillement. C'est un projet à long terme, là. Je vous parlerai de ma roulotte une autre fois, qui était un projet pas mal plus compliqué que mon canot, là. Mais l'Église, hein, c'est plus long encore qu'une roulotte à rénover, là. On est encore pécheurs, on combat encore. Et on va combattre jusqu'au ciel où on va finalement être délivré de la présence, de l'influence, des conséquences du péché. Donc l'Église de Dieu, c'est un rassemblement de croyants qui ne sont pas arrivés au ciel encore. Elle est sainte, elle est pure, elle est lavée en même temps qu'elle est tachée par le péché. Christ l'a aimée, Christ l'aime encore. Christ la voit déjà comme belle comme elle va être au ciel. Il la voit glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et il sait qu'on ne sera pas comme ça maintenant. Là. Il sait. Il s'attend à ce qu'on fasse des efforts, à ce qu'on réagisse à son amour, à sa grâce. Hein? mais pas à ce qu'on devienne parfait par nos propres efforts. Parce qu'il y a juste lui qui peut nous laver et nous rendre propres. Hein? On ne peut pas se laver nous-mêmes. Là. On a besoin de lui. Christ aime l'Église. J'aime ça poser des questions qui nous font réfléchir. Est-ce que tu aimes l'Église de Christ? Est-ce que tu l'aimes assez pour l'aimer même si elle est imparfaite? Là, vous savez ça, on a conclu que la lune de miel était terminée. C'est correct de dire qu'elle est imparfaite. Hein? Est-ce que tu l'aimes assez pour ne pas t'attendre à ce qu'elle soit parfaite? Est-ce que tu aimes assez l'Église pour ne pas t'attendre à ce que ses leaders soient parfaits? Est-ce que tu aimes assez l'Église pour t'attendre à ce que ses membres ne soient pas parfaits? Est-ce que tu aimes assez l'Église de Jésus-Christ pour pardonner tes frères et tes sœurs qui pêchent contre toi, ou même contre l'Église, ou même contre le Seigneur? Qu'est-ce que ce serait si tout le monde on essayait de vivre dans la pratique ce que le Seigneur déclare qu'on est? Comment on brillerait? Comment on brillerait si je m'oubliais moi-même, boy, je serais tellement en train de briller mieux puis plus, hein? Parce que je serais en train d'aimer Dieu, d'aimer les autres. C'est ça les plus grands commandements, selon le Seigneur Jésus. Si tout le monde était prêt à pardonner, à fortifier ceux qui ne sont pas forts, qui sont faibles, c'est ça que le Seigneur Jésus a fait. C'est ça que le Seigneur Jésus fait encore présentement. Frères et sœurs, cherchons à rester propres, cherchons la sainteté, mais assurons-nous qu'on comprend bien que ça, tout ça dépend de Christ. Qu'est-ce que l'Église pour Christ? Troisièmement, l'Église, c'est celle dont il prend soin. Au verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Comme Christ le fait pour l'Église. Christ prend soin de son corps. Christ nourrit son corps. Nourrir, ce verbe-là est utilisé deux fois dans le Nouveau Testament. Ici, et là, ça parle de nourrir, comme donner de la nourriture. Puis un petit peu plus loin, dans Éphésiens 6, 4, ça veut dire, il est utilisé dans le sens d'élever nos enfants. C'est intéressant. Le Seigneur Jésus qui nous élève, qui nous nourrit ou qui nous élève. Moi, j'aime ça. Je vais prendre les deux sens dans Éphésiens 5. Nourrir puis prendre soin aussi. Prendre soin est utilisé deux fois dans le Nouveau Testament. Donc, ça veut dire prendre soin, mais il y a une affection qui est là, qui ressort plus dans 1 Thessaloniciens 2, où est-ce que Paul écrit, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Donc, le Seigneur Jésus qui nourrit, qui élève son corps, qui élève l'Église, qui nourrit l'Église, qui en prend soin avec affection, là, comme une maman avec son bébé. Wow, j'aime ça. Donc, le psaume 23, le berger qui est avec ses brebis, qui en prend soin. L'obsession du berger, c'est son troupeau. Jour et nuit, il pense juste à ça. À ses brebis, où est-ce qu'il les amène, qu'est-ce qu'il va faire avec, comment réagir, jour et nuit, le bon berger. Le bon berger qui s'assure que ses brebis manquent de rien. Si le berger est là avec les brebis, c'est suffisant. C'est suffisant. Il manque de rien. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. « Car tu es avec moi. Hein? » Charles Spurgeon a dit que l'ombre d'un chien n'a jamais mordu personne. L'ombre de la mort ne peut pas me mordre, ne peut pas me faire mal, juste me faire peur. Ah, ça me fait du bien. Hein? Donc, en tant que membre du corps de Christ, ça me réconforte que de savoir que c'est Jésus lui-même qui prend soin de son corps, qui prend soin de moi, peu importe ce qui arrive. Puis en tant que sous-berger du grand berger, boy, ça me fait vraiment du bien aussi de savoir que ça repose sur lui et non pas sur moi. Un des meilleurs conseils qu'on m'a donné quand j'ai été engagé par mon église, c'est « Sylvio, prends pas l'église sur tes épaules. Dans ton cœur, mais pas sur tes épaules. Hein? » Il y a juste Jésus qui peut porter l'église sur ses épaules. Le grand berger qui s'occupe de ses brebis. Alors, peu importe qui tu es, parce que moi, je ne vous connais pas pour la plupart, savoir que Christ prend soin de son Église lui-même, ça devrait te rassurer. Ça devrait calmer ton cœur, calmer les peurs, la présence du berger. Et si tu as soif, si tu as faim de Dieu, ça devrait te rapprocher du corps de Christ. Parce que Christ lui-même le nourrit et en prend soin. Et certainement que tout ne va pas comme tu veux dans le corps de Christ à Victoriaville. C'est normal. Moi, je suis pasteur à Saint-Georges, puis tout ne va pas comme je veux à Saint-Georges. Tu sais. Mais c'est quand même le corps de Christ. Et peu importe si ta lune de miel est terminée ou pas, le Seigneur Jésus est encore en amour avec l'Église. Et je nous encourage à l'être, nous autres, ici. Il prend soin d'elle. Il la trouve belle parce qu'il voit où est-ce qu'il s'en va avec, qu'est-ce qu'il est en train de faire avec. Donc, pensons à ça, nous autres, ici. Quand on met nos lunettes, là, mettons les lunettes de Christ pour regarder l'Église. Parce que des fois, nos tripes nous disent des choses, puis c'est pas tout à fait vrai, là. Prenons soin, nous autres aussi, de l'Église. Parce que Christ prend soin, mais à travers des personnes. Il fait rarement des choses dans le vide. Il sent de nous. Il sent de son corps. Hier, j'ai accepté d'aider ma femme à laver des vitres. Et là, j'ai sorti ma canne de gigolo pour la touche, la valeur ajoutée là, dans mon service pour ma femme. Mais là, il y a une fenêtre qui est restée bloquée. Ça ne montait plus pantoute. Et là, pour faire une histoire courte, j'ai réussi à la fermer, mais mon doigt était entre la fenêtre et le haut. Il y a une danse tribale qui est sortie avec des chants là, d'opéra. Là. Ça a duré trop longtemps, là, cette douleur-là. Tout mon corps a réagi à ce petit bout-là qui était écrasé. Là. Hein? Donc, notre corps, Jésus prend soin de son corps à travers les membres du corps. C'est vrai? Donc, je vais manger comme ça. On fait ce qu'on peut. Hein? On se cogne, on se frotte. On est raide, on se ramollit. Là, on se fait des automassages, tout ça. C'est ça le corps de Christ. Donc, le Seigneur va se servir de chacun d'entre vous pour prendre soin de son corps. Fantastique. Il faut comprendre aussi que si c'est un peu par chacun d'entre nous que Jésus prend soin de son corps, ça veut dire que c'est par chacun des autres que Dieu va prendre soin de toi aussi. Hein? Ça marche dans les deux sens, ça. Puis des fois, il faut se laisser faire un peu. Il faut se laisser faire. Porter les fardeaux des uns des autres. S'il n'y a personne qui accepte ça, de se faire aider, on ne peut pas obéir à ça. Hein? Pleurer avec ceux qui pleurent, si on pleure toujours en cachette, parce qu'on veut être fort, tout ça, on ne pourra pas obéir à ça. Donc, c'est par l'autre que Dieu va prendre soin de toi. L'autre que avec qui tu t'entends bien, peut-être l'autre qui tombe ses nerfs ou qui t'irrite. Là. Peut-être que Dieu fait quoi dans ta vie aussi à travers lui. Là. Hein, il y en a toujours. C'est, on est entre nous autres. Là. Il y a toujours des gens avec qui on s'entend moins bien que ça passe plus carré un peu. Là. L'autre qui ne voit pas les choses de la même manière que toi. ou l'autre qui a des dons différents de toi, donc vous ne regardez pas les choses de la même manière, mais Dieu sert de lui aussi dans ta vie, pour prendre soin de toi, pour prendre soin de son corps. Donc, le Seigneur Jésus prend soin de son corps. C'est un modèle pour les maris, nous qui devons prendre soin de nos épouses comme ça. Je termine en vous racontant quelque chose. J'avais à peu près 6 ans de vie chrétienne. J'étais diacre dans mon église en train de servir mon église locale. Okay? Je servais le Seigneur avec cœur. J'étais content de le faire. Puis à un moment donné, dans ma lecture biblique, pendant quelques semaines, c'était comme, je lisais, puis c'était comme de manger des biscuits soda. Vous comprenez? Pas de saveur, tout sec. Je ne comprenais pas, là. Je priais le Seigneur, c'est comme de décrocher le téléphone, là. Ben, avant nos téléphones intelligents, là, il y en a quelques-uns qui se rappellent de ça, les vrais téléphones. Là. On décroche, ça faisait. Je priais, puis j'avais l'impression, c'est juste ça que j'entendais. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Voyons donc. T'es où? Et là, on avait un prédicateur invité. Moi, j'aime ça, les prédicateurs invités, parce que des fois, là, c'est comme ça touche la cible, puis il ne sait même pas, là, tu sais, qu'est-ce que moi je vis, là. Ben, je pense que Dieu peut faire ça avec un prédicateur régulier, là, mais on se comprend. Et là c'est un pasteur de notre association qui explique que qu'à un moment donné, la première petite église de laquelle il était responsable, que Dieu lui avait confiée, juste avant d'entrer en fonction, et il était en arrière, puis là, il regardait les gens. Puis là, il regardait quelqu'un, puis là il disait, dans son cœur, il disait, « Ah oui, lui, ce frère-là, ouais, lui, il a tel problème. Tu » sais. Ah ouais, ah, cette sœur-là, ouais, elle est comme ça. Tu sais. Puis là, se promenait comme ça. Puis là, la petite voix du Seigneur qu'on n'entend pas, mais qu'on comprend, lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu parles de ma bien-aimée. Tu ne peux pas faire ça. Tu es en train de mépriser ma bien-aimée. Hein? Si tu méprises ma femme, là, moi, je peux pas être en bon terme avec toi. » Là, tu sais. Je m'imagine la même chose du Seigneur Jésus. Et là, ce frère-là s'est mis à genoux en arrière du bâtiment de l'église, de la salle où est-ce qu'il était, puis il a demandé pardon au Seigneur. Et là, moi, j'entends ça. Puis là, c'est comme... C'est ça. Ben oui. Sylvio, toi aussi, tu méprises ma bien-aimée. C'est pour ça que je ne te parle pas. On n'est pas en bon terme. Ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui, mais là, j'ai décidé qu'on réglait ça aujourd'hui. Et je me suis en retournant à la maison, j'ai réfléchi à ça, puis je me rappelle, je me suis assis en haut d'escalier. C'est encore comme si c'était un matin que c'était arrivé. Là. Et là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et quand je me suis relevé, j'ai dit à ma femme, je viens de me réconcilier avec Dieu. C'était vraiment ça. J'ai demandé pardon publiquement à mon église. Parce que même si je servais mon église, je la méprisais. Je méprisais les gens. Je les regardais de haut. C'était super important que Dieu règle ça dans ma vie. À cause que je fais partie de son église. Mais en plus, son plan que moi j'ignorais totalement à ce moment-là, c'était que je devienne berger, tu sais, de cette église-là. Il fallait régler ça pour toujours. Hein? Fait que c'est réglé. Est-ce que je combats? Il y a encore des petits combats? Bon, oui, c'est sûr, mais c'est réglé en très grosse partie. Là. L'Église, c'est la bien-aimée de Christ. Il ne faut pas oublier ça. Et on doit la regarder avec les yeux de Christ qui la voit dans sa beauté totale et finale. Comme mon canot. Hein? Il ne faut pas regarder l'Église comme ma femme a regardé mon canot. Là. Regarder l'Église et les yeux nous virer à l'envers là, parce qu'on est trop découragés. Non, non, non, non. On va prier ensemble, OK? Père du ciel, il n'y a personne d'entre nous ici qui est digne d'être en relation avec toi. Il n'y a personne ici qui a été aimé de toi parce qu'il ou elle était parfait ou parfaite. Il n'y a personne qui est aimé de toi parce qu'on a fait assez de bonnes actions pour mériter quelque chose de toi. Là. C'est juste la grâce. Juste la grâce, juste de l'amour de ta part, aucun mérite de notre part. On te doit tout, Seigneur, et quel privilège on a d'être aimé de toi, puis de faire partie de ta bien-aimée, de ton Église. Seigneur, ce n'est pas facile de faire partie de l'Église de Saint-Georges, mais il n'y a aucun autre endroit au monde, aucun autre gang où est-ce que j'aimerais mieux être. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, avec qui on a toute une histoire. On s'est fait mal, on s'est pardonné, on s'est réconcilié, Seigneur. On a grandi ensemble, on est ensemble en équipe. Et puis, sans connaître tous les détails de l'histoire de l'Église de Victoriaville, Seigneur, je crois que c'est la même chose. Et Seigneur, je ne peux même pas m'imaginer tout ce que tu vas faire de beau avec l'Église de Victoriaville. Comment tu vas la rendre belle? Comment tu vas l'utiliser, Seigneur? Comment tu vas te glorifier à travers elle? Seigneur, ça m'encourage. Je te prie avec compassion, avec amour, avec tendresse pour mes frères et mes sœurs qui sont ici, ceux qui sont à distance présentement. Seigneur, convainc-les de ta présence avec ton troupeau. Convainc-les que tu es la tête, Seigneur Jésus, de ce corps-là. Encourage-les par ta présence. Encourage-les à être en contact avec toi, à combattre le péché qui empêche la bonne communication avec toi puis le bon rapport entre les parties du corps. Et Seigneur, que on soupire après le ciel, là. On soupire après ça, mais qu'on goûte à des petits moments de ciel sur la terre. Qu'on soit capable de voir l'Église comme toi tu la vois. Seigneur Jésus, je suis convaincu que tu es conscient de ses faiblesses, puis tu la vois belle en même temps. Comme moi, dans une moindre mesure, imparfaitement, je suis conscient des faiblesses de ma femme, puis je l'aime. Je l'aime sans que ça change quoi que ce soit. Alors, je veux te remercier pour ton amour. Je te remercie pour ce que tu as fait dans la vie de l'Église de Victoriaville, dans la vie des frères et des sœurs. Et je te remercie pour ce que tu vas faire. Je te remercie pour ce que tu vas faire. Et on te prie, Papa du ciel, au nom du Seigneur Jésus, le chef, la tête de l'Église. Amen. Amen. Merci pour votre attention.